petite sœur. Yeah, un maximum de love dans mon cœur pour toi. Oh petite sœur, tu restes dans mon cœur et je dois te l'avouer. Oh petite sœur, même si ce n'est pas la fin, je ne veux pas t'oublier. Oh petite sœur, si loin de toi, pardonne-moi si j'ai pu t'offenser. Oh petite sœur, je sais que ta confiance tu me l'as toujours donnée. Petite sœur, écoute ces quelques mots. Ce n'est pas grand chose mais je me sens mal dans ma peau. De ne pas être là toujours quand il le faut. Mais sache que mon âme veille sur toi même de tout là-haut. Beaucoup se moquent de ça et trouvent ça même rigolo. Mais si tu fermes les yeux puisses-tu revivre à nouveau ces souvenirs passés où je te serrai contre ma peau. Je te berce et tu étais heureuse et c'était beau. Au fil des années tu as grandi à mes côtés. L'amour est resté fort, il n'a jamais cessé. Même si un jour nos chemins se sont séparés, j'ai une partie de toi en moi qui est gravée. Oh petite sœur, tu restes dans mon cœur et je dois te l'avouer. Oh petite sœur, même si ce n'est pas la fin, je ne peux pas t'oublier. Oh petite sœur, si loin de toi, pardonne-moi si j'ai pu t'offenser. Oh petite sœur, je sais que ta confiance tu me l'as toujours donnée. Si j'ai pu te décevoir, le tribut je l'ai payé. Le monde éteint jusqu'à celui qui déforme la vérité. J'ai combattu ce système d'où naît l'inhumanité. Je n'aurais pas pu vivre en sachant qu'elle pouvait te toucher. Souvent vers le ciel à bout, mon âme s'est mise à crier. Tu m'as connu fort pour les larmes, j'ai préféré me cacher. Babylone a voulu faire croire que j'étais vraiment mauvais. Aujourd'hui je sais qui de moi a trop parlé. Quand je te vois, je ne peux qu'être fier. Même si je parle peu, je ne regrette pas hier. Tu as fait ton chemin courageuse et jamais en arrière. Tu écoutes ma voix, les paroles. Dans mon cœur et je dois te l'avouer. Oh petite sœur, même si ce n'est pas la fin, je ne veux pas t'oublier. Oh petite sœur, si loin de toi, pardonne-moi si j'ai vu